بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات ربي وسلامه عليه، ورضي الله عن صحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين، أما بعد. Bienvenue à vous, chers auditeurs et auditrices de Radio Mirat al-Anbiya, et que Allah subhanahu wa ta'ala récompense en bien ceux qui sont à l'origine de cette radio. Et nous nous retrouvons pour le 19e cours dans les fondements et les particularités des gens de la Sunna et de ceux qui sont unanimes sur la Sunna, qui sont des cours extraits des livres, des différents livres du Cheikh Rabi' ibn Hadi Umayr al-Madkhali, que Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Fait partie des fondements de la Sunna et des gens de la Sunna, c'est qu'ils aiment les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Ils ne citent les compagnons combien? Ils ne font, et ils élogent les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Et ils demandent à Allah subhanahu wa ta'ala qu'ils soient satisfaits d'eux. Wa fi taqrir hadha al-asl al-salafi al-azim. Il y a un peu d'écho. وفي تقرير هذا الأصل السلفي العظيم يقول العلامة المجاهد ناصر السنة وقامع البدعة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله، ولإيماننا بهذه المنزلة الرفيعة لهؤلاء السادة الأخيار سادة الأمة، رأينا حتما علينا أن نشيد بفضلهم وبمكانتهم، وأن نذب عن حياضهم ونحمي أعراضهم ونفديهم بمهجنا وأعراضنا وأموالنا رخيصة لا نخشى في الله لومة لائم، ونرى أن حبهم وولاءهم أصل عظيم من أصول دين الله. Et pour confirmer ce fondement, ce noble fondement et ce grand fondement salafi, l'érudit Cheikh Rabi' Hafidhahu Allah Ta'ala, le combattant pour la sunna et l'exterminateur des innovations, Cheikh Rabi' que Allah subhanahu wa ta'ala le préserve, il dit: et parce que nous croyons en cette noble place qu'ont ces maîtres de la communauté, qui sont les nobles compagnons d'Allah alayhi, nous avons vu qu'il est de notre devoir de citer leurs mérites et de rappeler leur place et de défendre leurs honneurs et de les défendre et de sacrifier pour eux notre honneur, notre fortune et tout ceci. C'est peu concernant ses nobles compagnons d'Allah alayhi. Et on craint dans sa personne, sauf Allah Azza wa Jal, et on ne craint pas les critiques des autres. Et il dit, nous voyons que le fait de les aimer, le fait de s'allier, le fait d'aimer les compagnons, de s'allier aux compagnons, est un des grands fondements parmi les fondements de la religion. وقال حفظه الله وعلى ذكره من أصول العقيدة احترام الصحابة وحبهم والدفاع عنهم. Il a dit que Allah subhanahu wa ta'ala le préserve fait partie des fondements des croyances, c'est le fait de respecter les compagnons d'Allah alayhim. C'est le fait de les aimer et c'est le fait de les défendre. وقال حفظه الله تعالى ناقلا عن الإمام الطحاوي قوله ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. إيه حفظه الله إلى rapporté les paroles de l'imam Tahawi رحمه الله تعالى qui est l'interprétateur de l'aqida Tahawiya, qui dit, et nous aimons les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Et on néglige aucun d'eux de notre amour. Et on se désavoue d'aucun compagnon. Et on déteste ceux qui les détestent. Et on déteste ceux qui les citent au mal. Et on ne cite les nobles compagnons combien. Et le fait d'aimer les compagnons, c'est la religion, c'est la foi, c'est la bienfaisance. Le fait de détester les compagnons, c'est la mécréance, c'est l'hypocrisie, c'est dépasser ses limites. وقال حفظه الله تعالى علامة النفاق بغض الأنصار وعلامة الإيمان حب الأنصار فكيف بالمهاجرين والمهاجرون لا شك أفضل من الأنصار فحبهم إيمان من باب أولى وبغضهم نفاق من باب أولى. Et il a dit que Allah subhanahu wa ta'ala préserve le signe de l'hypocrisie. Le signe de l'hypocrisie, c'est le fait de détester l'Ansar, c'est-à-dire les alliés de Médine. Et le signe de la foi, c'est le fait d'aimer l'Ansar. Il dit, qu'est-ce qu'il en est de Muhajiroun, ceux qui ont quitté la Mecque pour Médine, pour sauver leur religion. Qu'est-ce qu'il en est de Muhajiroun? Il n'y a aucun doute que le Muhajiroun ont plus de mérite que l'Ansar. Et le fait de les aimer en priorité fait partie de la foi. Et le fait de détester le Muhajiroun fait partie en priorité de l'hypocrisie. قال رحمه الله وحفظه ومتع به. Et aussi fait partie des fondements des gens de la sunna et de ceux qui sont unanimes sur la sunna, c'est qu'ils croient en la droiture des nobles compagnons, et qu'ils croient que les compagnons sont dignes, et que ils sont dignes à tous les niveaux, et qu'ils sont droits, tous les compagnons sans exception, parce que tous ils ont été élogés par Allah dans son livre, tous ils étaient élogés par le messager alayhi salam dans sa sunna. Ils n'ont pas besoin de quelqu'un qui vient les éloger ou quelqu'un qui vient confirmer leur dignité, leur droiture, et leur témoignage est accepté. وفي تقرير هذا الأصل العظيم يقول العلامة ربيع المدخلي حفظه الله ورعاه وجعل الجنة مثواه إن لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لمنزلة رفيعة عند الله وعند رسوله والمؤمنين وقد أثنى الله عليهم في محكم كتابه وأخبر عن رضاه عنهم ورضاهم عنه والآيات في بيان فضلهم ومنزلتهم كثيرة وأثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين فضلهم في أحاديث كثيرة. Et pour confirmer ce noble fondement et ce grand fondement, le rudi Cheikh Rabi' il dit que Allah subhanahu wa ta'ala le préserve et qu'il le récompense par le Firdaus al-A'la. Il dit, certes les nobles compagnons radhiyallahu anhum ont une place. Ils ont une place auprès d'Allah Azza wa Jal, une haute place, une place d'honneur auprès d'Allah Azza wa Jal. Ils s'y sont méchasés et auprès de son messager alayhi salam et auprès des croyants. Mais auprès des croyants, Allah subhanahu wa ta'ala les a élogés dans son livre. Et il a annoncé dans son livre comme quoi il est satisfait d'eux. Et qu'eux sont satisfaits de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a réservé. Il est versé montrant et donnant des éclaircissements sur les mérites des compagnons, sur les places d'honneur qu'ils ont, sont nombreux. Et le messager alayhi salam les a honorés, les a élogés, et il a montré leurs mérites et leur grande place dans beaucoup de hadiths. وقال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى بعد أن استشهد بآيات كريمة وأحاديث شريفة على مكانتهم وفضلهم والأخبار في هذا المعنى تتسع وكلها مطابقة على لما ورد في نص القرآن وجميع ذلك يقتضي طهارة الصحابة والقطع على تعديلهم ونزاهتهم فلا يحتاج أحد منهم مع تعديل الله تعالى لهم المطلع على بواطنهم إلى تعديل أحد من الخلق له فهم على هذه الصفة إلا أن يثبت على أحد ارتكاب ما لا يحتمل إلا قصد المعصية فيحكم بسقوط العدالة وقد برأهم الله من ذلك ورفع أقدارهم عنده. Et il cite les paroles du Khatib al-Baghdadi rahimahullah, qui après avoir pris comme argument un certain nombre de nobles versets et un certain nombre de nobles hadiths qui prouvent les mérites des nobles compagnons d'Allah alayhim et leur grande place, al-Baghdadi rahimahullah il dit, et ce que nous avons comme texte concernant les vertus, la grande place qu'ont les nobles compagnons, c'est beaucoup de textes. C'est un nombre inconsidérable de textes. Et tous ces textes sont conformes avec ce qui est cité dans le Coran. Et tout cela implique la pureté des nobles compagnons. Et tout cela implique qu'il faut croire d'une croyance irréfutable, comme quoi ils sont dans une droiture exemplaire. Et qu'ils n'ont pas besoin que quelqu'un, dise d'eux qu'ils sont droits. Car Allah subhanahu wa ta'ala, a décrété leur droiture. Lui qui connaît leur intérieur, subhanahu wa ta'ala. Et donc ils n'ont plus besoin d'être élogés par qui que ce soit, ni que qui que ce soit vienne témoigner comme quoi ils sont droits. Ils sont sur cette qualité jusqu'à ce qu'il arrive quelque chose qui va prouver comme quoi que quelqu'un parmi eux volontairement il a été à la désobéissance, au péché. Et dans ces cas-là, sa droiture va tomber, sa adala va tomber. Mais Allah subhanahu wa ta'ala les a innocentés de cela. Et il a élevé leur place. Subhanahu wa ta'ala, il a élevé leur place auprès de lui. يقول الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى على أنه لم يرد من الله عز وجل ورسوله فيهم شيء مما ذكرناه. لا وجبت الحال على أنه لو لم يرد من الله عز وجل ورسوله فيهم شيء مما ذكرناه لا وجبت الحال التي كانوا عليها من الهجرة والجهاد والنصرة وبذل المهج والأموال وقتل الآباء والأولاد والمناصحة في الدين وقوة الإيمان واليقين القطع على عدالتهم والاعتقاد لنزاهتهم وأنهم أفضل من جميع المعدلين المزكين الذين يجيئون من بعدهم أبد الآبدين. هذا مذهب كافة العلماء ومن يعتد بقوله من الفقهاء. الخطيب البغدادي dans ce qui est cité ici par Cheikh Rabi Hafdallahu Ta'ala, il dit, s'il ne nous a été rien rapporté d'Allah Azza wa Jalla et de son messager concernant des choses que nous avons citées auparavant, c'est-à-dire des éloges et de la place qu'il mérite, qui a été cité dans le Coran et dans la Sunna, si rien nous a été arrivé, transmis à ce niveau-là, il était obligatoire, de par la hijra, l'immigration qu'ils ont fait de la Mecque pour Médine, pour sauver la religion d'Allah Azza wa Jal, et pour faire triompher le messager d'Allah, de par leur compassion, santé d'Allah Azza wa Jal, de par le fait qu'ils ont fait triompher la religion d'Allah, qu'ils ont fait triompher son messager, de par qu'ils ont tout sacrifié, leur fortune, leur âme, leur famille, certains ont combattu et ont tué leur père ou leur frère ou leurs enfants, et de par le din conseil qu'ils ont prodigué pour cette religion, et de par la force de la foi et la certitude, tout ceci implique qu'on doit croire irréfutablement en leur droiture, comme quoi ce sont des udouls. Et tout ceci doit nous faire croire, doit nous donner la croyance comme quoi ils sont purs et qu'ils sont les meilleurs des créatures qui ont été élogées. Et qu'ils sont les meilleurs de tous ceux qui ont été élogés après eux. Et ça, c'est la voix de l'ensemble des hommes des sciences. Et c'est la voix de tout un chacun parmi les hommes de sciences dont la parole est considérée. Il ne faut pas oublier non plus que l'imam Ibn Abd al-Barr a rapporté le consensus sur la droiture, sur l'adala des nobles compagnons de Allah alayhim. L'adala a beaucoup de signification, fait partie de ça, comme quoi ils sont dans une droiture, qu'ils sont dignes, que leur attestation est acceptée, leur témoignage est accepté, et ainsi de suite. وقال حفظه الله في مقال له بعنوان الذب عن الصحابي الجليل أبي بكر وعن مروياته وعن أئمة الإسلام والسنة الذين قبلوا هذه المرويات رد على محمد سليمان الأشقر. Il a dit que Allah subhanahu wa ta'ala le préserve dans un exposé où il défend le noble compagnon Abi Bakr, où il défend son noble compagnon et il défend les hadiths qu'il a transmis, les transmissions que la communauté a reçues de ce noble compagnon Abi Bakr. Et en même temps, par là aussi, il défend aussi les hommes de science de l'islam et de la sunna, les grands imams qui ont accepté les versions du hadith rapportées par Abu Bakr, et ceci en réplique à Muhammad Salman al-Ashqar. قال الخطيب البغدادي رحمه الله: باب ما جاء في تعديل الله ورسوله للصحابة، وأنه لا يحتاج إلى سؤال عنهم، وإنما يجب في من دونهم. ثم قال: كل حديث اتصل إسناده بين من رواه بين النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم العمل به إلا بعد ثبوت عدالة رجاله، ويجب النظر في أحوالهم سوى الصحابي الذي رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله لهم وإخباره عن طهارتهم واختياره لهم في نص القرآن. ثم ساق آيات وأحاديث في بيان فضلهم ومنزلتهم رضي الله عنهم. الخطيب البغدادي رحمه الله a dans son livre un chapitre dont le titre, le chapitre dit ceci: ce qui nous a été transmis de la droiture, ce qui nous a été transmis comme quoi Allah subhanahu wa ta'ala considère les nobles compagnons comme étant dans une droiture, et ce qui nous a été transmis de son messager alayhi salatu wasalam dans ce sens-là. Donc, il n'y a pas besoin à poser une question sur la droiture et la dignité d'un compagnon. Mais on pose la question sur quelqu'un d'autre dans la chaîne de transmission que le compagnon. Le compagnon, on ne pose pas de questions. Tout hadith, le Khatib al-Baghdadi, il dit, tout hadith dont la chaîne de transmission est liée entre ses transmetteurs et qui remonte jusqu'au prophète alayhi salatu wasalam n'est pas à mettre en application jusqu'à ce que soit prouvée la droiture de tous les hommes qui l'ont transmis. De tous les hommes qui sont dans la chaîne de transmission et connaître leur situation, leur dignité, leur droiture, sauf le compagnon. Sauf le compagnon qui remonte le hadith directement au messager alayhi salatu wasalam. Car la droiture et la dignité des nobles compagnons d'Allah, il est confirmé par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a annoncé comme quoi ils sont purs, et que Allah subhanahu wa ta'ala les a choisis. Et que leurs éloges dans le Coran sont nombreux. Il Khatib al-Baghdadi a cité un certain nombre de hadiths et un certain nombre de versets qui prouvent les mérites, les honneurs et la noble place qu'ont les compagnons d'Allah alayhim. قال الشيخ ربيع معلقا على كلام الخطيب وعلى هذا المنهج كل علماء الإسلام والسنة إلى يومنا هذا، أي على الإيمان بعدالة الصحابة جميعا وقبول رواياتهم حتى المجهولين منهم، ولم يستثنوا أبا بكرة ولا غيره في الفضائل ولا في قبول مروياتهم، بل أجمع المسلمون على قبول رواية أبي بكرة كما أجمعوا على قبول روايات غيره. الشيخ ربيع يجي كومونتو لي بارول دو الخطيب البغدادي il dit sur cette voie sont tous les hommes du silence de l'islam jusqu'à nos jours. Il dit ils sont tous sur la voie sur le fait de croire en la droiture et la dignité de tous les compagnons sans exception et d'accepter toutes les versions et toutes les versions transmises de hadith transmises par les nobles compagnons, même les versions transmises parmi les inconnus des compagnons. Ils n'ont pas fait l'exception d'Abu Bakr ou de quelqu'un d'autre parmi les nobles compagnons. Ils acceptent tout ce qui a été transmis des nobles compagnons d'Allah alim. Et les musulmans sont sur le consensus, l'unanimité sur le fait d'accepter ce qu'a transmis Abu Bakr et ce qu'ont transmis tous les nobles compagnons d'Allah alim. Il fait partie aussi du fondement des gens de la sunna et de ceux qui sont unanimes sur la sunna, c'est de se taire et de retenir sa langue sur tous les problèmes qu'il y a eu entre les nobles compagnons d'Allah alim. Et l'interdiction est une norme. Une interdiction énorme. On n'a pas le droit de s'immiscer et de commencer a parlé, a disserté sur les problèmes qu'il y a eu entre les nobles compagnons d'Allah. Car ce qui nous a été transmis sur ce qui est arrivé entre eux ou sur ceux qui ont raconté des mauvaises choses sur les compagnons, soit c'est du mensonge, soit on a augmenté, on a rajouté des choses, soit on a diminué et on lui a changé complètement le sens. Et ce qui est authentique parmi ce qui a été transmis, ils ont leur excuse et ils tournent entre eux la situation de deux dignes de l'effort d'interprétation. Le digne de l'effort d'interprétation, quand il, dans son opinion, dans son effort d'interprétation, il est juste, il a deux récompenses. Et l'autre, s'il a faux, il a une récompense pour l'effort d'interprétation. Et eux tous, ils sont dignes de l'effort d'interprétation. Ça veut dire, s'ils ont commis une erreur, hein, ils ont quand même la récompense, une récompense. Hein? Et donc, les imams et les salafs, parmi les grands imams de cette communauté, interdisent le fait de s'immiscer ou de disserter ou de parler en public de ce qui est arrivé entre les compagnons d'Allah. Allez. Wa fi taqriri, pourquoi? Parce que ceci, hein, frère en Allah Azza wa Jal, ceci, c'est quelque chose qui a été créé par les ennemis de cette religion. Pour calomnier les compagnons, et ceci pourra, comme ils n'arrivent pas à calomnier le prophète directement et sa religion, bah, ils calomnient les compagnons pour arriver à calomnier le prophète alayhi salam. Ils ne le peuvent pas. Hein? Parce que, ils font dire aux gens, bah, si ses compagnons ils sont comme ça, ils sont mauvais d'abord, alors lui il est mauvais, sa religion est mauvaise. L'aïdan billah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Hein? Et c'est pour ça qu'a été créée toutes ces calomnies, toutes ces histoires à dormir debout, toutes ces fausses histoires, toutes ces rumeurs sur les compagnons radhiyallahu anhum. Wa fi taqrir wa bayan hadha al-asl as-salafi يقول العلامة المجاهد ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله ورعاه وجعل الجنة متواه وجدت الأخطاء في مجتمع الصحابة وقد اتفق أهل السنة وأئمتها على الإمساك عما يقع منها من زلات وقال حفظه الله ممن يجب تكريمهم أولا الرسل والأنبياء ثانيا Et pour confirmer et donner des éclaircissements sur ce fondement salafi, le rédit Cheikh Rabi Habidahullah, et que Allah subhanahu wa ta'ala le récompense avec le paradis, hein, il a dit, il y a eu des erreurs dans les sociétés des nobles compagnons, mais les gens de la sunna sont unanimes, et les grands imams de cette communauté sont unanimes sur le fait qu'il faut se taire sur tout ce qui s'est passé entre les nobles compagnons d'Allah Ali. Hein? Et il a dit que Allah subhanahu wa ta'ala préserve les personnes qu'il faut honorer, qu'il faut respecter. Il a dit, premier lieu, les messagers et les prophètes alayhi salatu wa salam, tous, sans exception. Deuxièmement, les nobles compagnons d'Allah Ali, les nobles compagnons du messager alayhi salatu wa salam. يقول ولقد عرف منزلتهم أهل السنة والجماعة فحافظوا عليها أيما حفاظ ونهوا عن الخوض فيما شجر بين علي ومعاوية ومن معهما من بقية الصحابة وأثبتوا لهم أجر المجتهدين وحكموا على من يتكلم فيهم أو في أحد منهم بالزيغ والضلال والزندقة. Les gens de la sunna et ceux qui sont unanimes sur la sunna et ceux qui sont dignes de la sunna ont préservé la place des nobles compagnons d'une grande protection. Ils n'ont pas litigé ni disserté sur les problèmes qu'il y a eu entre Ali et Mu'awiyah, que Allah subhanahu wa ta'ala les agrée tous, et les compagnons qui étaient, hein, dans les deux camps, hein. Certains avec Muawiyah, d'autres avec Ali. Et ils ont confirmé, les gens de la Sunna et les imams de cette communauté, et les dînes de la science de cette communauté, ont confirmé la récompense des dînes de l'effort d'interprétation à tout cela, des deux côtés. Ils ont décrété, jugé que tout un chacun qui parle mal, qui cite mal, ou qui parle mal du noble compagnon, ou de l'un d'eux, ils ont décrété comme quoi il est déviant, il est dans l'égarement, il est dans Zendaka, et Zendaka c'est la mécréance. L'ayadan billah. Et donc, dans ce qui est arrivé, frère en Allah, Azzawajal, entre eux, les compagnons et les deux camps, Ali et Muawiyah, Raha, ils tournent entre eux une récompense ou deux récompenses. Parce que tous les deux, ils étaient, ils sont partis d'un point, d'un effort d'interprétation. Et donc, ceux qui étaient dans, qui ont juste, ont deux récompenses. Et ceux qui sont, qui n'ont pas eu juste, ben, ils ont une récompense. Et nous, il nous a été demandé de retenir le nom sur, ce qui s'est passé entre eux. Et combien il est belle la parole de Omar ibn Abdel Aziz, rahimahullah ta'ala. Il a dit, cette fitna, Allah subhanahu wa ta'ala a épargné nos armes de cette fitna. Alors épargnons-nous nos langues de cette fitna. Wa qala azzahu Allah wa nasarah. Madhhabu ahli sunnati wal jama'a. أنه ما حصل من خلاف بين الصحابة فهم مجتهدون وكثير مما نسب إليهم كذب كثير مما نسب إليهم حرف وغير وبدل وزيد فيه ونقص كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وما ثبت عنهم من الأخطاء فهو قطرة في بحر. إيك الله سبحانه وتعالى لنور إيك الله سبحانه وتعالى لفاستخيون فيه et qu'il le récompense avec le Firdaus al-A'la, qu'il lui annonce sa vie dans son obéissance. Cheikh Rabi a dit, la voix des gens de la Sunna et de ceux qui sont unanimes sur la Sunna en ce qui concerne toute divergence qu'il y a eu entre les nobles compagnons, que ils sont dans ces divergences, ils étaient des mujtahidoun, c'est-à-dire des dignes de l'effort d'interprétation. Et beaucoup de choses qu'on leur a attribuées, c'est un mensonge. Oui, beaucoup parmi ces choses qu'on leur a attribuées, ils ont été déformés, falsifiés. Leur sens a été changé. On y a augmenté, on a rajouté des choses. Et comme il a dit Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah rahmatullah alayh, ce qui a été confirmé comme erreur, c'est comme une goutte dans la mer. C'est comme, par rapport à ce qu'ils ont fait, radhiyallahu anhum, c'est comme une goutte dans la mer. Wa qala hafidhahullah min usul ahli sunnati والجماعة أنه لا يجوز انتقاص أحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولا ذكر مساوئهم أو حدث منهم لو حدث حدث منهم. Et que Allah subhanahu wa ta'ala le préserve, il dit, fait partie des fondements des gens de la Sunna qu'il n'est pas permis de manquer de respect à un compagnon parmi les compagnons de Muhammad alayhi salatu wassalam, et qu'il n'est pas permis de citer, de parler au mal d'un d'eux, ou de citer, les erreurs qui sont émanées de quelqu'un ou de certains parmi eux. Si c'est arrivé, si l'erreur est arrivée, on n'a pas le droit de la citer. Wa qala saddadahu Allah wa ghafara Allah lah. Ma alladhi yudkhiluka fi al-kalam fi as-sahaba wal bahth an akhta'ihim wa amma shajara baynahum. Ma ad-da'i li hadha al-bahth? Il a dit que Allah subhanahu wa ta'ala le récompense. Qu'est-ce qui t'amène à parler sur les compagnons? Qu'est-ce qui t'amène à chercher dans leurs erreurs? Qu'est-ce qui t'amène à chercher et à parler sur ce qui est les problèmes qu'ils ont eu entre eux? Qu'est-ce qui te pousse à faire cette recherche? يقول فلا يبحث في هذه الأشياء إلا أهل الفتن من الخوارج والروافض. أما أهل السنة فيرون السكوت عما جرى بين الصحابة لأنهم كلهم مجتهدون. والذي يحملنا على أن نعتقد فيهم هذه العقيدة تزكية الله وتزكية رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن قال لهذا نحن لا ندخل فيما شجر بينهم في الجمل وصفين. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. إلدي حفظه الله تعالى. On cherche pas dans ces sujets. Il ne cherche dans ces sujets, dans ce qu'il y a eu entre les nobles compagnons d'Allah, que les gens qui cherchent, qui provoquent les séditions et les fitanes et les troubles, comme le Khawarij et comme le Rawafid. Quant aux gens de la Sunna, ils se taisent. Il retient leur langue sur tous les problèmes qu'il y a eu entre les nobles compagnons d'Allah. Car tous, ce sont des dignes de l'effort d'interprétation, ces nobles compagnons. Il dit, et celui qui nous pousse à croire, à avoir cette croyance, c'est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a élogés. Et le messager les a élogés. Hein? Et il a dit, nous, on rentre pas, on s'immisce pas dans ce qui est arrivé entre les nobles compagnons durant la bataille de Siffin ou la bataille du chameau. On rentre pas, on ne desserte pas là-dessus. Et ça, c'est la voix des gens de la Sunna et de ceux qui sont unanimes sur la Sunna. Et fait partie des fondements des gens de la Sunna, hein, et des salafis, c'est qu'il n'est pas permis de manquer de respect à un noble compagnon d'Allah alim, ou de le critiquer, ou de le dénigrer, ou de parler en mal sur lui. Et celui qui agit ainsi, pour les gens de la Sunna et pour les salafis, c'est un égaré innovateur. C'est un innovateur égaré. وفي تقرير هذا الأصل السلفي يقول العلامة المحدث ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله وغفر له من تقدير أهل السنة لهم قالوا من انتقص صحابيا واحدا فهو زنديق انتقاصا فقط كيف بالسب والطعن والتكفير ومن انتقص صحابيا فهو رافضي خبيث هذا يا إخواننا حق إيه. Pour confirmer ce fondement salafi, le muhaddith, l'érudit Cheikh Rabi, hafidhahullah ta'ala, dit, fait partie de l'estime des gens de la sunna et de ceux qui sont unanimes sur la sunna, c'est qu'ils ont dit que tout un chacun qui manque de respect à un seul compagnon, c'est un zindiq. La zindaqa, c'est la mécréance. Hein? Tout simplement lui manquer de respect. Qu'est-ce qu'il en est du fait de l'insulter? Qu'est-ce qu'il en est le fait de le prendre comme, de le rendre mécréant? Qu'est-ce qu'il en est le fait de le dénigrer, de le critiquer? Celui qui manque, hein, de respect à un compagnon, c'est un rafidhi impur. Et il dit ça, mes frères, c'est une vérité. وقال حفظه الله في التعليق على قول الإمام أحمد ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه بحدث كان منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه له سليما قال فهذا من أصول أهل السنة. إيه إلى ذي الله سبحانه وتعالى البخزاف الشيخ ربيع كم منطون البارول دول إمام أحمد qui a dit que celui qui manque de respect à un seul compagnon, parmi les compagnons du prophète, ou qui déteste un seul compagnon, ou qu'il cite de quelque chose qu'aurait fait ce compagnon, ou il parle des erreurs ou des choses mauvaises sur ce compagnon, celui-là c'est un innovateur, jusqu'à ce qu'il fasse dua à tous les compagnons, et que dans son cœur, il n'y ait aucune haine, il n'y ait rien du tout, donc que son cœur soit saint, hein, il soit pur, hein, pour tous les nobles compagnons d'Allah, qu'il n'y ait aucune haine pour aucun compagnon, et qu'il ait dans son cœur rien du tout pour aucun compagnon. Et il a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala préserve ça, ça, c'est un des fondements des gens de la sunna. Wa qala hafidhahullah, ونرى أن حبهم وولاءهم أصل عظيم من أصول دين الله وأن بغضهم والطعن فيهم وعدالتهم كفر كما قرر ذلك علماء الإسلام لأن الطعن في دينهم وعدالتهم طعن في من بلغنا ديننا قرآنا وسنة. Il indique Allah subhanahu wa ta'ala le préserve, et nous voyons que le fait de s'allier aux nobles compagnons, de les aimer, ceci est un énorme, est un grand fondement parmi les fondements de la religion d'Allah. Et que le fait de les détester, de les dénigrer, de les critiquer dans leur religion, dans leur droiture, c'est une mécréance, comme l'ont confirmé les hommes de science de l'islam. Car le fait de critiquer ou dénigrer, le fait de les critiquer, de les dénigrer dans leur religion, dans leur droiture aussi, est une critique. concernant celui qui nous a transmis cette religion et qui nous a transmis le Coran et la Sunna. Ce qu'il les a transmis, ce sont les nobles compagnons radhiyallahu anhum. Et les critiquer, les dénigrer, c'est critiquer notre liaison avec le messager alayhi salatu wassalam. وقال سدده الله وغفر له ردا على أحد المجاهيل المدافعين عن سيد قطب هل استحضرتم قول أهل السنة بالإجماع أن من انتقص أصحاب محمد أو أحدا منهم فهو رافضي خبيث وهل استحضرتم قول إمام أهل السنة أحمد بن حنبل من انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهموه على الإسلام إلى ذكر الله سبحانه وتعالى Hein, le couvre de sa sainte miséricorde, en répliquant à un ignorant parmi les ignorants. Un ignorant qui défend Sayyid Qutb. Et tous vous savez que Sayyid Qutb a des paroles où il dénigre les nobles compagnons d'Allah. Et donc, en répliquant à cet ignorant qui défend Sayyid Qutb, il dit, Abdallah, est-ce que vous vous êtes présenté la parole des gens de la Sunna? Et le consensus qu'on rapporte les gens de la Sunna sur le fait que celui qui manque de respect à un compagnon parmi les compagnons de Mohammed alayhi salatu wassalam, que c'est un rafidé impur, est-ce que vous vous êtes représenté dans votre esprit la parole de l'imam Ahmed, imam, l'imam des gens de la Sunna et de ceux qui sont unanimes sur la Sunna, où il dit, celui qui manque de respect à un des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, ayez des points d'interrogation sur son islam, et fait partie aussi des fondements des gens de la Sunna et de ceux qui sont unanimes sur la Sunna, autrement dit des salafis, le fait de s'allier aux femmes des prophètes alayhi salatu wassalam, les mères des croyants, et le fait de les estimer, ridwanullahi alayhin, et le fait de défendre les honneurs des femmes des prophètes alayhi salatu wassalam et les mères des croyants, et de croire que ce sont ces femmes dans le-delà et de se désavouer de tout un chacun qui critique les femmes du prophète alayhi salatu wassalam et qui parle mal sur les honneurs des femmes du prophète alayhi salatu wassalam ou l'une d'elles tout simplement. Et fait partie de la voix des gens de la Sunna et de ceux qui sont unanimes sur la Sunna, c'est qu'ils demandent à Allah pour les compagnons et pour les femmes du prophète alayhi salatu wassalam, d'être satisfaits d'eux, ridwanullah alayhim. Tous, hommes et femmes, ils rentrent dedans à leur tête. Il y a les femmes du prophète alayhi salatu wassalam qui sont les mères des croyants. Wa fi taqrir hadha al-asl as-salafi, yaqulu al-allama Rabi' al-Madkhali fi sharhi al-aqidah as-salaf wa ashab al-hadith, al-imam Sabuni, والتردي والترحم على أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم والدب عنهن وعن أعراضهن واعتقاد أنهن زوجات رسول الله وفي الجنة إن شاء الله رضوان الله عليهن واعتقاد أنهن أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن بشهادة الله لهن بقوله النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وحرم الله على المسلمين أن ينكحوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من بعده فقال وما et donc pour nous confirmer ce fondement salafi, l'érudit Cheikh Rabi', il dit dans l'explication qu'il a fait à l'aqidat salaf, les gens du hadith, écrite par l'imam Sabouni rahimahullah ta'ala, dit, il cite ses paroles, dit, et le fait de demander à Allah d'être satisfait d'elle et de lui demander de le couvrir les femmes du prophète alayhi salatu wassalam de sa clémence, et le fait de défendre les honneurs des femmes du prophète alayhi salatu wassalam, et le fait de croire que ce sont ces femmes, que les femmes du prophète alayhi salatu wassalam, ce sont aussi ces femmes au paradis, inshallah, et qu'ils seront au paradis, inshallah, et que Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait d'elles, et le fait de croire, et de croire aussi comme quoi les femmes du prophète alayhi salatu wassalam, ce sont les mères des croyants et des croyantes, que Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait d'elles, et ceci par l'attestation d'Allah C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a décrit ainsi. Dans la traduction approximative du sens du verset, il est dit le prophète a plus de droits sur les croyants qu'ils n'ont sur eux-mêmes. Et ces femmes, ce sont leurs mères. Les épouses du prophète alayhi salatu wasalam, ce sont leurs mères. وحرم الله على المسلمين أن ينكحوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من بعده فقال وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما لأنهن أمهات المؤمنين فيحرم أن يتزوج بإحداهن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهن أمهات المؤمنين وأفضل من الأمهات لكن في الحرمة لا في المحرمية يعني نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجبن عن المؤمنين من غير محارمهن لأنه مع أنهن أمهات المؤمنين كن يحتجبن عن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم إذن كل دي رحمه الله تعالى Toujours, il cite les paroles de l'imam Sabouni. Allah subhanahu wa ta'ala interdit aux musulmans de se marier avec les femmes du prophète alayhi salatu wasalam après sa mort. Et il est dit dans le verset, dans sa traduction, où, qui est cité ici, dans la traduction approximative du sens du verset, et vous n'avez pas donné de la peine au messager alayhi salatu wasalam, ni à lui faire du mal. Ni à vous marier avec ses femmes après lui. Abadan, jamais. Car ceci est énorme auprès d'Allah Azza wa Jal. Pourquoi? Il dit parce que ce sont les mères des croyants. Et il est interdit de se marier avec l'une des femmes du prophète alayhi salatu wasalam. Car ce sont les mères des croyants. Et ce sont les mères qui ont le plus de mérite. Mais là, c'est juste l'interdiction de se marier avec elle. Mais cela ne veut pas dire que les musulmans sont des maharim pour les femmes du prophète alayhi salatu wasalam. Parce que les femmes du prophète alayhi salatu wasalam mettaient le hijab. Alors que c'était les mères des croyants, ils mettaient le hijab devant les compagnons et leurs successeurs qui ne faisaient pas partie de leur maharim. ونقل العلامة ربيع المدخلي حفظه الله عن شيخ الإسلام ابن تيمية إجماع السلف على تكفير من قذف أمهات المؤمنين بالفاحشة لا سيما عائشة رضي الله عنها التي برأ الله من ذلك من فوق سبع سماوات فقال لقد تكلم شيخ الإسلام في حكم من يشتم الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وأطال النفس في ذلك ثم عقد فصلا في حكم من سب الأنبياء وبين فيه أن من سب أي نبي من أنبياء الله فحكمه مثل حكم من يسب نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم من الكفر ووجوب القتل إيه Cheikh Rabi Hafidhahullah a cité des paroles du Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah rahmatullah alayh, où Cheikh l'Islam, il cite le consensus et l'unanimité des pieux prédécesseurs d'Allah alayhim sur le fait de rendre mécréant tout un chacun qui calomnie les mères des croyants et qui les accuse d'adultère. Et surtout Aïcha, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agré. Aïcha qui a été innocentée par Allah subhanahu wa ta'ala par un Coran qui se lira jusqu'à la fin des temps. Du dessus de 17 sur Allah subhanahu wa ta'ala a descendu des versets qui innocentent notre mère Aïcha radiallahu anha wa arda. Cheikh Rabi' il dit, et Cheikh l'Islam a parlé et a cité le jugement de celui qui insulte le messager, le noble messager, alayhi salatu wasalam. Et il a traité ce sujet longuement. Et après, il a ouvert un autre paragraphe dans lequel il parle de ceux qui insultent les prophètes, alayhi salatu wasalam, en général. Et il a montré dans ce chapitre que celui qui insulte un prophète parmi les prophètes d'Allah, il est comme son jugement est comme celui qui insulte notre prophète alayhi salatu wasalam Muhammad. Ça veut dire qu'il est mécréant et qu'il est obligatoire de le tuer. Et qui doit le tuer? Ce n'est pas n'importe quel individu de la communauté, c'est le gouverneur qui doit s'en occuper. ثم عقد فصلا خاصا في حكم من سب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ بالحديث عن عائشة رضي الله عنها ونقل عن القاضي أبي يعلى أن من قذف عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه كفر بلا خلاف. Et après il a un autre chapitre spécifique concernant le jugement de ceux qui insultent les femmes du prophète عليه الصلاة والسلام. Et il a commencé à parler de Aïcha qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agré. Il a rapporté les paroles de l'Qadi Abi Ya'la qui dit que celui qui calomnie ou qui accuse Aïcha d'adultère et qui l'accuse des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a innocenté et les mécréants sont divergents. Il n'y a aucune divergence sur sa mécréance. قال شيخ الإسلام وقد حكى الإجماع على هذا غير واحد وصرح غير واحد من الأئمة بهذا الحكم. شيخ الإسلام a dit le consensus concernant ce point a été cité par plus d'un, et plus d'un parmi les grands hommes de science ont cité le consensus sur ce jugement concernant le jugement de celui qui accuse Aïcha d'adultère. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. ثم قال شيخ الإسلام في هذا الفصل وأما من سب غير عائشة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ففيه قولان أحدهما أنه كساب بغيرهن من الصحابة كما سيأتي والثاني وهو الأصح أنه من قذف واحدة من أمهات المؤمنين فهو كقذف عائشة رضي الله عنها وقد تقدم معنى ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وذلك لأن هذا فيه عار وغضاضة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذله أعظم من أذاه بنكاحهن بعده. الشيخ الإسلام a cité un autre chapitre concernant ceux qui insultent les autres femmes du prophète alayhi salatu wasalam en dehors de Aïcha. Les autres femmes. Il a cité deux paroles chez les hommes de science. La première, celui qui insulte une des femmes du prophète alayhi salatu wasalam en dehors de Aïcha, c'est comme celui qui insulte n'importe quel compagnon dans le jugement. Deuxième point, et c'est le point le plus fort et le plus juste, c'est que celui qui accuse l'une des femmes du prophète alayhi salam d'adultère, l'une des mères des croyants, il l'accuse d'adultère, c'est comme celui qui a accusé Aïcha d'adultère. Donc ça veut dire il est le même jugement que celui-là. Et il dit auparavant nous vous avons cité ceci, c'est ce point et sa signification dans Abdullah ibn Abbas qui a dit dans le fait d'accuser les femmes du prophète alayhi salatu wasalam d'adultère, il a dit, il y a dans ça le fait de déshonorer le prophète alayhi salatu wasalam et de causer le tort au prophète alayhi salatu wasalam plus que le fait de se marier avec ces femmes. Le fait de les accuser d'adultère, c'est causer plus de problèmes et plus de peine, et plus de déshonneur au messager alayhi salatu wasalam que le fait de se marier avec elles. Et ça, c'est les paroles d'Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu arda. Il fait partie des fondements des gens de la sunna et de ceux qui sont unanimes sur la sunna, c'est qu'ils aiment la famille du prophète, alayhi salatu wasalam. Et ils prennent comme alliés les membres de la famille du prophète, alayhi salatu wasalam, sans aller à l'extrême, comme on fait Rawafid et Shia, ils sont allés dans le laxisme qu'on fait Nawasib, qui se sont opposés comme ennemis à la famille du prophète alayhi salatu wasalam. Rawafid sont allés à l'extrême. Et Nawasib sont allés dans le laxisme à tel point qu'ils ont pris comme ennemis la famille du prophète alayhi salatu wasalam. Donc fait partie des fondements des gens de la sunna, c'est le fait d'aimer la famille du prophète alayhi salatu wasalam. Et de préserver le conseil et l'ordre du prophète alayhi salatu wasalam concernant sa famille. Et c'est bien sûr, il s'agit de sa famille parmi les croyants. وفي تقرير هذا الأصل السلفي يقول العلامة المجاهد ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله وغفر له: نحترم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يوما خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب، وإني تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فتمسكوا بكتاب الله وخذوا به، فحتى عليه ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. أخرجه مسلم عن زيد بن أرقم رضوان الله عليه مجمعين. Et pour confirmer ce fondement principal, Cheikh Rabi Habidah Allah Ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le préserve et qu'il lui le récompense avec le Firdaus al-A'la, il a dit: et on respecte la famille du prophète alayhi salatu wassalam. Il dit un jour, comme il est rapporté par l'imam Muslim, le hadith de Zayd, qu'un jour Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dans un endroit, un point d'eau qui s'appelle Khum, qui se trouve entre la Mecque et Médine, s'est levé pour exhorter les gens pour faire une khutbah. Il a dit louange, il a fait les louanges à Allah. Et il a élogé Allah subhanahu wa ta'ala comme il sied à sa grandeur, il l'a glorifié comme il sied à sa grandeur, azza wa jal. Et il a exhorté les gens, et il leur a fait un rappel, et il leur a dit: et ceci dit, ô gens, je ne suis qu'un être humain. Bientôt, le messager d'Allah va venir prendre mon âme. C'est-à-dire, bientôt, l'ange de la mort viendra prendre mon âme. Et j'ai laissé en vous deux choses qui pèsent, qui sont lourdes, deux choses importantes. Le premier, le livre d'Allah dans lequel il y a la lumière, il a guidé. Cramponnez-vous au livre d'Allah et mettez-le en application. Et il a incité au fait de mettre en application ce qu'il y a dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a insisté là-dessus, et il a insisté fortement, sallallahu alayhi wa sallam. Et après il a dit: et la famille, et les gens de ma famille, hein, accomplissez vos devoirs vis-à-vis d'eux, hein, et les gens de ma famille, accomplissez vos devoirs vis-à-vis d'eux, et les gens de ma famille, accomplissez vos devoirs vis-à-vis d'eux. Hein, il l'a répété trois fois. صلوات ربي وسلامه عليه. فأوصى صلى الله عليه وسلم بهم، لكن لا يؤخذ من هذا أن الخلافة لهم أبدا، ولو كانت الخلافة لهم لأوصاهم بالناس، لكنه صلى الله عليه وسلم أوصى الأمة بهم، فعلينا أن نحترم وأن نعرف قدرهم وفضلهم لقرابتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقدم الواحد منهم على الواحد من غيرهم إذا كانوا متساويين. إذا كان يستوي رجلان في العلم والفضل، واحد من أهل البيت والآخر من غير أهل البيت، نقدم هذا الذي من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فنكرمه ونجله أكثر من غيره. إيه دي حفظه الله لمساجي أغضوني أكونسيي à conseiller qu'on respecte et qu'on préserve les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala concernant sa famille, les gens de sa famille. Mais cela, on ne prend pas de cet ordre du prophète et de son conseil le fait que la khilafa est à eux, jamais. Hein? Parce que si la khilafa était à eux, il aurait ordonné aux membres de sa famille de s'occuper des gens. Mais il a ordonné aux gens, à la communauté, de respecter et de accomplir ce qu'ils doivent accomplir vis-à-vis de sa famille. Et donc, il est de notre devoir, dit Cheikh, qu'on respecte la place de ces nobles compagnons, qu'on les estime et qu'on sache leur mérite. Hein? Et qu'on sache et qu'on les respecte pour la liaison qu'ils ont avec le messager alayhi salam. Et que nous devons mettre en avant un parmi eux par rapport à un autre. Hein? C'est-à-dire deux personnes se retrouvent et les deux sont à pied d'égalité, hein, dans les mérites et dans la science. Un fait partie de la famille du prophète, alayhi salatu wassalam, et l'autre non. Ben, celui à mettre en avant, c'est celui qui fait partie de la famille du prophète, alayhi salatu wassalam. Hein? Et on l'honore, on l'estime, on le respecte plus que l'autre. Pour sa liaison. Hein? Parce qu'il fait partie de la famille du prophète, alayhi salatu wassalam. Et c'est ce que nous a conseillé le messager, alayhi salatu wassalam. Et c'est la voie sur laquelle étaient les nobles compagnons, eux-mêmes. Et la voie sur laquelle étaient leurs successeurs. Et les grands imams de cette communauté. Jusqu'à nos jours, il y a des gens qui sont de la lignée. Ben, ceux qui connaissent la valeur, ils les respectent, ils les mettent en avant. Et ils savent, hein, ils mettent en application le conseil et l'ordre du prophète, alayhi salatu wassalam, les concernant. فالتقي والصالح والملتزم من أهل البيت لو ساواه إنسان من غيرهم في الفضل والعلم نقدمه ونرجحه عليه لقرابته من رسول صلى الله عليه وسلم ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى به وأما الفاسق فهذا له شأن آخر إيه إلتي حفظه الله تعالى الشيخ ربيع تقي ستير سلوي parmi la famille du prophète alayhi salatu wassalam qui préserve les droits d'Allah, qui est vertueux, qui se cramponne à sa religion et qui fait partie de la famille du prophète alayhi salatu wassalam, s'il est à pied d'égalité avec quelqu'un d'autre dont les mérites et dont la science, on met en avant celui de la famille du prophète alayhi salatu wassalam, parce qu'il est proche du prophète alayhi salatu wassalam, parce que c'est le conseil du prophète alayhi salatu wassalam. Quant aux pervers parmi ceux qui font partie de la famille du prophète, là c'est une autre situation. Ici la situation concerne celui qui est vertueux, celui qui préserve les droits d'Allah. Wa kana Abu Bakr wa Umar yuqaddiman ahl bayt an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ala usarihim. Bal kana Umar yuqaddim mawla rasulillah sallallahu alayhi wa sallam Usama ala ibnihi Abdullah ibn Umar wa huma sawa' fi as-sin. يقدمه في العطاء ويفضله وهو مولى وليس من أسرته ويقدم أهل بيته على أسرته. إيه أبو بكر الصديق عمر رضوان الله عليهم متى ونافو la famille du prophète, les gens de la famille du prophète عليه الصلاة والسلام. Ils les mettaient en avant par rapport à leur famille. عمر بن الخطاب mettait en avant l'un des serviteurs du messager alayhi salatu wassalam, Usama ibn Zayd. Il le mettait en avant par rapport à son fils Abdullah ibn Umar, alors qu'ils étaient du même âge. Et il donnait en priorité, en premier lieu, il donnait dans les donations, il donnait d'abord à Usama. Et il le mettait en avant par rapport à son fils Abdullah ibn Umar. Hein? Alors qu'il ne fait pas partie de la famille du prophète alayhi salatu wassalam. Que c'est un des serviteurs du messager alayhi salatu wassalam. Mais ça, c'est, hein, le respect qu'avait, hein, Farouk et Abu Bakr de la famille du prophète alayhi salatu wassalam. Il a mis en application de leurs conseils. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala a fait qu'il est obligatoire qu'on suive le chemin de ses nobles compagnons d'Allah. Hein? Wa Abu Bakr radiyallahu anhu wa arda kana يقول والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. أبو بكر رضي الله عنه وارضاه نسكي غبطي بال إمام البخاري il disait par celui qui tient mon âme entre ses mains, hein, j'aime le plus, hein, entretenir la relation avec la famille du prophète alayhi salam qu'avec mes proches. Il met ça en avant. Il l'aime plus que le fait d'entretenir avec sa famille. Il entretient avec sa famille, certes. Mais ce qu'il aime le plus, c'est d'entretenir la relation avec la famille du prophète, alayhi salatu wassalam. Pourquoi? Parce que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam l'a conseillé. Hein? Parce que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam l'a ordonné. لكن الروافض لا يعترفون بهذه المعاملة النبيلة من الصحابة الكرام لأهل البيت لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ولا سيما معاملة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وما كان بينهم إلا التواد والتراحم والتعاطف والتزاوج والتصاهر إلى آخره mais les impurs روافض ne reconnaissent pas ce noble comportement du noble compagnon vis-à-vis de la famille du prophète alayhi salatu wassalam. Et surtout, ces rawafid, ces impurs, ne reconnaissent pas le noble comportement qu'avait Abu Bakr et Omar et Uthman vis-à-vis de la famille du prophète alayhi salatu wassalam. Ils ne reconnaissent pas cette relation d'amour et de fraternité qui liait ces grands hommes de la communauté avec la famille du prophète, alayhi salatu wassalam. Il y a eu des mariages, hein, entre eux, hein, les descendants de la famille d'Abu Bakr, de Uthman, de Omar, etc., avec la famille du prophète, alayhi salatu wassalam. Hein, et tout ceci, Rawafid le rejette, ils ne le reconnaissent pas. Hein, tu vois, ce passage est un passage qui est très important, qui est le fait d'aimer, hein, de reconnaître la place des nobles compagnons dans l'islam, le fait de reconnaître, hein, le fait qu'il est obligatoire d'aimer les nobles compagnons d'Allah alayhim, de leur faire dua qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait d'eux, et de ne les citer combien, jamais parler au mal d'un compagnon, hein, et de croire d'une croyance irréfutable, comme quoi ce sont des droits, ils sont donc dignes et ils sont dans une grande droiture. Hein? Et ceci leur a été reconnu par Allah et par son messager, alayhi salatu wassalam. Ils n'ont pas besoin des autres pour leur reconnaître cela. Ceci a été reconnu par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala les a élogés, ainsi que son messager, alayhi salatu wassalam. Et il est de notre devoir, frère Allah subhanahu wa ta'ala, de retenir nos langues sur tout ce qui s'est passé entre les nobles compagnons. De ne pas en parler. Hein? De ne pas disserter là-dessus. Ainsi étaient les pieux de cette communauté. Et ainsi ont conseillé les pieux de cette communauté. Et sur cette voie étaient les grands imams et les grands hommes de science de cette communauté. Et savoir aussi que fait partie des fondements des dons de la sunna et de ceux qui sont unanimes sur la sunna, de prendre et de rendre comme innovateur quelqu'un qui manque de respect à un compagnon. Hein? Qu'est-ce qu'il en est quand il manque de respect à tous les compagnons? Qu'est-ce qu'il en est quand il critique tous les compagnons? Qu'est-ce qu'il en est quand il les insulte? Qu'est-ce qu'il en est quand il les rend mécréants comme Rawafid, a'yadan billah? Il fait partie des fondements des gens de la sunna, c'est le fait de respecter et d'estimer comme il se doit et de leur donner la place honorable que leur a donné Allah et son messager, les femmes du prophète, alayhi salatu wassalam. Et de défendre les honneurs des femmes du prophète, alayhi salatu wassalam, parce que ce sont les mères des croyants. Et il est des fondements aussi, le fait d'aimer la famille du prophète, alayhi salatu wassalam, et de les prendre comme alliés, et de préserver le conseil et l'ordre du prophète, alayhi salatu wassalam, concernant sa famille. Face à Allah al-Azim, Rabbul Arsh al-Azim, an yarzuqana wa iyyakum hubba Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, wa hubba sahabatihi al-kiram, wa hubba kull man yuhibbu Rasulillahi wa صحبه الكرام رضوان الله عليهم سألوه سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى واجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه ولي ذلك والقادر عليه وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله لكم جزاكم الله خيرا